Mireille Kanyang. Fidèle auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Des élus du peuple estiment que certaines autorités n'accomplissant pas leurs promesses envers les citoyens burundais devraient démissionner ou demander pardon. Dans cette édition, on revient sur ce procès ce vendredi contre trois hommes de la commune Kabarore en province de Kayanza. Ils sont accusés d'atteinte à l'économie nationale. En province Lomongue, deux femmes sont dans les mains de la police pour interruption volontaire de grossesse. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice pour débuter cette édition d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. C'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de la province Kayanza contre trois hommes de la commune Kabarore accusés d'atteinte à l'économie nationale. Et c'est par fraude des mines. Berkimans Nsagouye, administrateur communal de Kabarore, appelle la population de sa commune à en découdre avec cette mauvaise pratique. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Dans ces procès de flagrance de ce jeudi, la semaine en cours, le premier prévenu qui a comparu devant le tribunal de grande instance de Kayanza était un homme originaire de la colline Mugongo en commune Kabarore qui a été attrapé la nuit du 28 mars avec 600 grammes de minerais de type colombo-tantarite. L'accusé a plaidé coupable et a été condamné par une peine d'emprisonnement de 2 ans et demi. Le TGI Kayanza a ordonné que ces minerais soient remis à l'Office burundais des mines. Le même jeudi, deux autres hommes, l'un originaire de la colline Kivuvu en commune Kabarore et un autre de la commune Ousiga en province Ngozi ont également comparu devant le tribunal de grande instance de Kayanza. Celui originaire de la colline Kivuvu en commune Kabarore a été attrapé le 31 mars avec 158 kg de minerais de type différent et celui de la commune Ousiga est attrapé le même jour avec plus de 500 kg de mines, des séparateurs d'immeubles, les instruments de mesure des mines et des tags aussi que l'on met sur les mines qui ont été examinées par l'OBM. Après la mise en délibéré du procès à ceux de prévenus, bien qu'ils aient plaidé non coupables, le tribunal de grande instance de Kayanza a prononcé contre eux une peine d'emprisonnement de 5 ans et le paiement d'une amende de 10 millions chacun. Le tribunal de grande instance de Kayanza a ordonné que ces minerais soient remis à l'Office burundais des mines et que les objets saisis dans les séparateurs et le tag soient vendus dans le système de la vente aux enchères et que l'argent obtenu soit déposé dans le trésor public. La semaine passée, l'administrateur communal de Kabarore Nsagouye Berkimas a effectué une visite sur toutes les collines de la commune Kabarore où il a demandé à ses dirigeants de couper court à la fraude, expliquant que des sanctions sévères sont réservées aux récalcitrants. Il a saisi aussi la même occasion pour demander aux forces de la défense et de sécurité qui exercent leurs fonctions en commune Kabarore d'accomplir convenablement les missions leur assignées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et je vous l'annonçais en titre, deux jeunes femmes habitant la colline Rutumo en commune et province Lomongue sont dans les mains de la police de Lomongue depuis la soirée de ce vendredi. Des sources sur place indiquent qu'elles sont poursuivies pour avoir collaboré dans l'interruption volontaire de grossesse. Frédéric Singhibakida, chef collinaire de Rutumo, confirme ces informations. Il appelle sa population à préserver la vie de l'embryon s'il lui arrive de tomber enceinte. Ce chef local demande à la justice de ne dire que le droit, une information que nous devons à Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des habitants de la sous-colline Murungu, de la colline Rutumo, indique que l'une de ces jeunes femmes arrêtée, soupçonnée d'avoir commis un homicide volontaire, était enceinte lorsqu'elle a regagné le toit parental après avoir été chassée de la colline Nguba de la commune Muhuta où elle avait été comme deuxième femme. Ces mêmes sources indique que cette femme a ensuite été aperçue avec des signes qu'elle n'était plus enceinte et des rumeurs qu'elle avait avorté se sont répandues sur cette colline à partir de ceux qui en savaient quelque chose, selon Frédéric Singhibakira, chef collinaire de Rutumo. C'est à partir de ces rumeurs que des enquêtes locales ont été menées. Des enquêtes ayant abouti à l'arrestation par le comité mixte collinaire de sécurité de Rotumo de cette femme et d'une autre femme soupçonnée d'être complice dans cette affaire. Elles ont été toutes deux remises à la police de Rotumo pour la poursuite des enquêtes policières afin d'être traduites en justice selon son chef collinaire. Frédéric Singhivakira indique que quelles que soient les conditions dans lesquelles une fille ou une femme tombe enceinte, l'être humain doit être protégé dans son innocence. Il demande à la justice de punir exemplairement le coupable afin de décourager de tels actes. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. L'Office burundais des OCTB raccorde dans notre délai de 5 jours à partir du lundi 14 avril aux contribuables pour récupérer les machines à facturation électronique. Plus de 3000 machines ont déjà été distribuées selon Deo Hatungimana, commissaire des taxes internes et recettes non fiscales à cet office. Il ajoute que plus de 5000 machines sont disponibles et lance un appel à tous les contribuables à utiliser des machines à facturation électronique pour diminuer le vol, dit-il. On l'écoute. Nous avons distribué des lettres d'invitation aux contribuables pour venir prendre ces machines, mais nous avons constaté qu'il y a ignorance, raison pour laquelle on s'est rendu sur terrain pour distribuer ces machines à certains contribuables. Nous prenons donc l'occasion pour inviter donc tous les contribuables qui opèrent dans le quartier asiatique et ici dans le centre-ville, surtout qui ont déjà reçu des lettres émanant du commissariat des taxes internes et recettes non fiscales à l'OBR, qui les invite à venir à l'OBR pour prendre ces machines. C'est une occasion donc de les inviter à côté de plusieurs communiqués qu'on a déjà fait après ces correspondances et officiels qu'on les a déjà adressés. Aujourd'hui, voilà une autre occasion qui vient pour les inviter encore une fois, les donner 5 jours à partir de lundi pour ceux qui ont déjà reçu des lettres de venir à l'OBR pour réceptionner ces machines à facturation électronique. Si vous avez une facture, c'est une justification de votre vente du côté du contribuable, mais aussi du côté de l'achat. C'est une justification donc de ce qu'il a acheté. C'est ce qu'on dit en Kirundi, Ichemezabuguz. Voilà, donc nous invitons alors les contribuables, nous lui donnons des conseils de continuer davantage à utiliser ces machines, parce que ces machines vont détecter réellement leur catégorie. S'ils sont des moyens contribuables, s'ils sont des petits contribuables, l'OBR va constater ça à travers cette machine. Donc, tout le monde est appelé à utiliser cette machine pour contribuer au développement de notre pays. On ne croit pas qu'il y aura encore de tricherie parce que cette machine a été améliorée par rapport à la machine qui a été distribuée au départ. Et nous espérons que non seulement pour faire des factures, mais cette machine contient encore d'autres fonctions qui peuvent même aider le contribuable, que ce soit la vérification du stock, à faire l'inventaire du stock. Donc cette machine contient encore d'autres fonctionnalités. Des députés trouvent que certaines autorités de ce pays devraient demander pardon ou démissionner lorsqu'ils ne sont pas parvenus à honorer leurs engagements et promesses envers les citoyens. Ces députés se référaient à l'annonce du président burundais lors de son investiture en 2020. Le point avec Claude Itangishak. Parmi les questions posées par les élus du peuple sur son rapport, figure celle de connaître quand les retraités recevront un salaire équivalent à celui du dernier perçu, comme promis par le président de la République lors de son investiture. Ce cas soulevé par honorable Aline Inamucho. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait prononcé un discours d'apaisement pour les retraités, qu'ils vont recevoir une pension équivalente au dernier salaire. Ils avaient apprécié cette décision, mais jusqu'à aujourd'hui, la promesse du président n'a pas encore été tenue. Le député Pamphile Malaika trouvait que les autorités devraient demander pardon et faire tout le possible pour la mise en application de cette mesure. La parole du président est comme un décret qui doit être automatiquement mis en exécution. Je pense que vous devez demander pardon, mais cette fois-ci, ce sera le tour de son Excellence le président, car sous d'autres cieux, il a eu jusqu'à même démissionner. Dans sa réponse, le premier ministre Jevendi Lakobucha précise que des rapports relatifs ont déjà été adressés à la présidence pour question d'analyse des fonds additionnels. Tous les rapports ont été donnés au président pour exploitation afin de voir la somme qui va être ajoutée comparativement à celle qui se trouve au niveau de l'UNSS et l'ONPR dans le but de vider la question des retraites. Lors de son investiture en 2020, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a annoncé que les retraités recevront des indemnités de retraite équivalentes au dernier salaire perçu. 100 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés au site de Gateri sur la colline Ruhagarika en commune Buganda de la province Chibitoke où sont rassemblés les déplacés des inondations de Gatumba. Cela étant la conséquence des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouvent selon certains parents ainsi que le représentant de ce site en la personne de Raphaël Nijimbele demande au gouvernement et à d'autres organisations humanitaires de leur venir en aide. Le point avec Clovis Nyonhuru. Ces déplacés disaient que le manque de nourriture est la raison majeure pour laquelle les enfants abandonnent l'école. Cette écolière de la cinquième année témoigne que, même si elle étudie, les conditions dans lesquelles elle vit ne sont pas faciles. Une fois, je passe une nuit sans rien mettre sous la dent. Je ne me présente pas en classe parce que si je suis en classe étant affamé, je ne pourrai pas bien suivre les leçons. Nous demandons au gouvernement de nous fournir en nourriture, y compris tous les matériels nécessaires pour bien continuer nos études. Les parents de ces élèves confirment que les conditions rendent difficile la poursuite de leurs études. Nous avons des enfants écoliers, mais ils étudient loin de ce site. Certains parmi eux ont déjà abandonné à cause du long trajet, sans oublier la famine. Si ils rentrent de l'école et ne trouvent à la maison rien à mettre sous la dent, le lendemain, ils ne se présentent pas en classe. Raphaël Nijimbele représente tant de ces habitants au site Gateri demandent aux organisations chargées de leur assistance de tout faire pour que les enfants puissent poursuivre leur scolarité facilement. Ce qui devait être fait pour que les enfants puissent poursuivre leurs études, c'est que les organisations chargées de l'assistance feraient tout possible pour nous fournir en aide constituée de vivres. Selon ce représentant, 472 élèves étaient enregistrés dans ce site, alors qu'aujourd'hui, seuls 372 vont encore à l'école. L'athlétisme militaire permet un rapprochement professionnel pour les militaires et renforce leur degré de vocation à l'armée. Propos tenus ce vendredi par le chef de la Force de défense nationale du Burundi ce vendredi à Gitega lors des cérémonies de clôture d'un championnat militaire d'athlétisme des militaires burundais. Différents prix ont été décernés. Le point avec Gérard Niwigira. Dans son discours de clôture du championnat militaire d'athlétisme 2024-2025, le chef de la défense nationale du Burundi, le général Prime Niyongabo, a indiqué que l'athlétisme renforce la cohésion des militaires qui partagent d'ailleurs le même sort et augmente en eux leur vocation militaire. S'appuya sur le thème de ce championnat, à savoir l'athlétisme au sein de la force de défense nationale du Burundi, pilier du renforcement des capacités physiques et de la cohésion pour accomplir le métier des armes avec courage et dévouement. Il a rappelé aux responsables militaires qu'ils doivent savoir que les entraînements militaires incluent l'athlétisme et édifient considérablement l'armée. Du moment que les entraînements et les techniques militaires exigent des capacités physiques et la souplesse des militaires pour qu'ils puissent bien exercer leur fonction de défendre le pays. Il a remercié les responsables militaires qui accordent déjà de l'importance aux entraînements militaires et inclut l'athlétisme. Elle a demandé d'aller toujours de l'avant afin de bien accomplir leur tâche de défendre le pays et la population. Vous saurez que lors de ce championnat militaire d'athlétisme, pour les compétitrices militaires femmes, les premières places ont été occupées par l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM et la deuxième division militaire. Et pour les compétiteurs militaires hommes, les premières places ont été occupées par l'école des sous-officiers ESSO et la brigade brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI. Des prix variés constitués de coupes et enveloppes ont été décernés à qui de droit. Ce championnat avait débuté ce mardi pour prendre fin ce vendredi au camp militaire de Gitega. Depuis Gitega, Gianni Bigila pour la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Tout de suite après l'édition, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Ndouimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Menace évidente, s'interroge l'éditorialiste du journal Burundi Echo, faisant allusion aux conséquences des constructions anarchiques, surtout dans les quartiers périphériques dont souffre la ville la plus peuplée du Burundi, à savoir Bujumbura, parfois sous le regard passif de l'administration locale. Les habitants de ces zones sont ainsi exposés à des risques croissants d'inondations, de plus en plus graves et incontrôlables, regrette cet hebdomadaire socio-économique, qui fait aussi remarquer que cette administration locale semble dépassée, voire impuissante, face à l'ampleur du phénomène, bien que les services de l'urbanisme rappellent régulièrement, à travers des communiqués, qu'il est obligatoire de solliciter l'avis des services techniques avant toute construction. Peut-être cela se fait-il, mais, souligne son confrère, cela n'empêche pas que de nombreuses imperfections se fassent constater sur les chantiers. L'éditorialiste de l'hebdomadaire Burundi Echo conclut qu'on ne peut pas freiner le développement d'une ville, mais que si ce développement n'est pas accompagné par la rigueur des services d'urbanisme, les dégâts ne feront que se multiplier. La zone de Mumba s'enchève depuis 3 mois et les populations ne savent plus quoi faire, constate Net Press, qui précise que son ancienne chef, Chantal Nahayo, est détenue dans la prison pour femmes en Ngozi, accusée d'avoir facilité l'évasion d'un certain Claver Butoyi, qui avait violé une jeune fille de 16 ans sur la colline de Karungura en date du 10 avril 2024. Cette femme avait été arrêtée en date du 16 janvier de cette année. Depuis, le bureau de la zone est fermé et il n'y a eu personne pour remplacer la responsable enfermée. D'après son confrère, l'affaire n'est pas aussi simple car plusieurs responsables de cette région, voire au plus haut niveau, ont tenté de libérer cette dame, mais la chance ne lui a pas souri. En effet, explique Net Press, le chef de la commune a essayé de faire libérer la chef de zone, mais en vain. Plus tard, le procureur général de la cour d'appel d'Ngozi, Prosper Yamouremye, n'a non plus ménagé aucun effort pour que la femme soit libérée, mais il est lui aussi actuellement en détention à Bujumbura pour avoir libéré un homme accusé de détournement de plusieurs grammes d'or, souligne son quotidien en ligne. Revue de la presse. Les ménages de la mairie de Bujumbura sont de plus en plus confrontés à une hausse préoccupante du prix du charbon, rapporte l'agence burundaise de presse. À titre illustratif, dans les quartiers variés visités par la BP, notre confrère a constaté que le sac qui coûtait 150 000 francs burundais il y a quelques jours s'achète aujourd'hui à 180 000. Un petit sac coûte actuellement 70 000 francs burundais. Un des commerçants interrogés par ce quotidien à ce sujet explique que plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse, citant entre autres l'augmentation du coût de transport lié à la rareté du carburant, la saison des pluies qui rend difficile l'approvisionnement. Et les consommateurs appellent les autorités à intervenir pour stabiliser les prix afin d'atténuer l'impact sur les ménages et protéger le pouvoir d'achat des plus vulnérables. On termine cette revue de presse par cette frustration chez les amoureux du ballon orange, rapportée par le journal Iwachu, faisant remarquer que les supporters du basketball burundais sont impatients de voir leurs équipes en action, mais se retrouvent souvent frustrés lorsque des matchs tant attendus sont interrompus en pleine partie à cause de la pluie suite au manque d'un terrain couvert. Son confrère donne aussi dans un reportage en page intérieure la déception des joueurs face à cette situation. En mars 2022, rappelle son confrère, le ministre en charge des sports, accompagné de l'ancien président de la FEBABU, Fédération du basketball burundais, avait lancé officiellement les travaux de construction du terrain du département des sports. Mais aucune action n'a encore été faite depuis ce jour-là. Sous le titre « Basket burundais, une passion qui flambe, des terrains qui prennent l'eau », l'éditorialiste du journal Iwachu montre que sans exiger des investissements faramineux ou des projets d'infrastructures ambitieux, il est essentiel d'assurer un minimum de confort pour le spectacle et de conclure que des infrastructures adéquates deviendraient des moteurs de cohésion sociale et permettraient au Burundi d'accueillir des compétitions internationales, stimulant son développement socio-économique. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.